Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Quel 20 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 20 avril 1534, le jour où un certain Jacques Cartier largue les amarres à Saint-Malo. Pour aller découvrir le Canada, hein, c'est bien ça. Exactement. C'est François Ier qui lui a confié pour mission de chercher un nouveau passage au nord-ouest vers les Indes. À cette époque, l'Amérique a déjà été découverte depuis plus de 40 ans, mais on est bien loin d'en avoir fait le tour. Le nouveau continent reste à explorer et donc, ce 20 avril, Jacques Cartier appareil avec deux navires et 61 hommes et le 10 mai, il apercevra Terre-Neuve avant de longer toute la côte vers le nord et de s'engager dans l'embouchure du Saint-Laurent. Cartier est le premier Européen à s'y engager. Alors en fait, non, la région n'est pas tout à fait terra incognita. Certains marins s'y perdent parfois en quête de bancs de morue. Et d'ailleurs, lors de cette expédition, Jacques Cartier va devoir porter assistance à un bateau de pêche de La Rochelle qui s'était égaré. Il établit aussi le premier contact avec des Amérindiens, les Micmacs, rencontre harmonieuse. Cartier va pousser jusqu'à la rive ouest du golfe et débarquer à Gaspé, dans l'actuelle province de Québec. Et là, il plante une croix de 9 mètres de haut. Nouvelle rencontre avec des Amérindiens. Leur chef, Donnacona, autorise Cartier à emmener en France deux de ses fils qui vivront 8 mois dans le royaume de France et apprendront notre langue avant de revenir chez eux et d'être, si j'ose dire, les premiers touristes nord-américains. Le 15 août, le Malouin repart donc et le 5 septembre, il est de retour à Saint-Malo. Ce sera, je vous l'ai dit, pour mieux repartir. Il mènera encore 2 voyages vers le Canada. Canada qui en iroquois veut dire le village. On a désigné comme ça un village en disant Canada et c'est devenu le nom du pays. Le Canada, mais il faudrait peut-être prononcer à la québécoise, mon cher Franck. On vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Ah, nous parlerons d'un génie de la peinture et du dessin, Eugène Delacroix. Eh bah, à tout à l'heure, mon cher Franck.